armé. Jean Aucan, à l'origine un petit homme qui fit bien des envieux. Jean Aucan, cœur de son choix, la main divine fit de lui un dieu. Jean Aucan. Parfait qu'il a lui-même imaginé.